Vou te inviter un camarade. Ou l'en tu bal de la campagne. Là-bas la mise m'a pas du mal. Nouvelle connaissance à l'inomal. Ou tu zonen qui t'y bien zen. Sans résister, tiens moi y appelle Molène. L'affection commence là-bas même. Patika passant passer tous les semaines. Les poils, tu as famille qui nous décontent. Donne-moi beaucoup patience pour te faire moi confiance. Tout ce qui tu connais ça, fais attendre, tout souhaite nous bonne sens. Aïe, ah, Molène, de l'amour qui peut faire moi n'expense-toi tous les jours. Vraie, mais Molène, de l'amour qui peut faire moi oublier tout mon la peine. J'ai à tout maman. Je fais tout venu qui pour faire tout bonheur. J'ai à tout papa, n'a peine à l'autre qui pour lève de J'ai tout papa, n'a pas l'autre qui pour l'aime te l'honner.